Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par la toute nouvelle Ascent 2019, la plus grande Subaru jamais construite. Elle a trois rangées, de la place pour 7 ou 8 personnes, 19 porte-gobelets et la sécurité légendaire d'une Subaru. Venez la découvrir chez votre concessionnaire Subaru participant. Subaru, confiance et évolution. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'arrivée au pouvoir de Maurice Duplessis en 1936. Aujourd'hui, nous allons étudier le Catéchisme des électeurs, publié en 1936 par Maurice Duplessis et l'Union nationale. Premièrement, le gouvernement qui dirige le Québec est-il libre? Non, le gouvernement du Québec n'est pas libre. Pourquoi le gouvernement du Québec n'est-il pas libre? Parce qu'il est sous la domination des puissances d'argent. Vous venez d'entendre un extrait du film « Québec, Duplessis et après » réalisé par Denis Arcand en 1972 et le catéchisme des électeurs dont il est question dans cet extrait a bel et bien existé. La citation que vous venez d'entendre est réellement tirée de ce catéchisme des électeurs distribué par l'Union nationale durant la campagne électorale de 1936. Ça nous donne déjà une bonne idée de la manière dont on faisait de la politique à l'époque, des méthodes aussi que va utiliser Maurice Duplessis pour chasser les libéraux du pouvoir à l'élection québécoise de 1936. Monsieur Godbout et Monsieur Bouchard et Monsieur Rochette, le 11 juin 1936, lorsque Monsieur Taschereau s'est sauvé par la porte d'en arrière, sont devenus subitement des hommes nouveaux. Vous vous rappelez les élections de 36? Ils disaient au peuple de la province, nous sommes des hommes nouveaux, nous ne connaissons pas M. Taschereau. Et le choc n'a pas besoin de chanter trois fois que M. Taschereau est arraigné 10 fois. Mais aujourd'hui, messieurs, mais aujourd'hui, c'est le même régime Taschereau, c'est le même régime d'oppression, c'est le même régime d'exploitation. Vous l'avez condamné en 36 lorsqu'ils se sont présentés à vous d'une façon peu franche. Maintenant qu'ils ont l'audace de se présenter comme ils sont, chassez-les une fois pour toutes que la province s'en débarrasse une fois pour toutes. Maurice Duplessis, durant la campagne électorale de 1939, pour nous rappeler le contexte dans lequel Maurice Duplessis va d'abord prendre le pouvoir en 1936 et ce qui va le conduire à le perdre en 1939, justement, j'accueille Jonathan Livernois, qui est professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval et qui vient de faire paraître « La révolution dans l'ordre, une histoire du duplessisme ». Jonathan Livernois, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Vous titrez donc votre livre « La révolution dans l'ordre, une histoire du duplessisme ». Pourquoi « La révolution dans l'ordre » L'expression est de Daniel Johnson. En 1952, Johnson est un jeune député, fait une conférence au Club Renaissance, qui est le club politique de l'Union nationale à Québec, et dit qu'avec Duplessis, depuis 1936, s'opère au Québec la révolution dans l'ordre. Belle expression qui m'a rappelé, évidemment, la révolution tranquille, ouais. Comme si au Québec, au fond, les révolutions étaient toujours soit tranquilles ou dans l'ordre. La violence de l'histoire ne s'abat jamais sur nous. Et finalement, ça me permet de montrer comment le duplessisme a voulu s'inscrire dans l'histoire en disant, ben voilà, pas besoin de révolution. Avec Duplessis, on est capable de grands changements sans trop bouger vite, sans aller trop loin. Ça va bouger quand même un peu, mais oui. Ça fera pas mal. Ça fera pas mal et les changements vont se faire d'eux-mêmes. Oui. Remarquez que ça a fait mal à certains groupes, oui, on pourra y revenir. Son anticommunisme, entre autres, les syndicats, pour les nommer, vont y goûter. Ça reste aujourd'hui encore, je suis curieux de vous entendre là-dessus, Maurice Duplessis, l'une des personnalités politiques de notre histoire qui continue de diviser le plus. Pourquoi encore aujourd'hui un tel clivage autour de cette figure de Maurice Duplessis? Bien, évidemment, la durée aussi, un mandat d'à peu près 18... Bien, il est élu en 36 jusqu'en 39, de 44 à 59, donc c'est très long comme mandat. Mais on pourrait dire de la même chose de Taschereau avant ou même de Lomer Gouin. Je pense que c'est ce qui a suivi qui a vraiment engendré cette espèce de mythe de Duplessis ou cette espèce de refus fort en 1960 et dans les années suivantes, en l'historiographie, comment elle va s'écrire, contre Duplessis, et ça va devenir quelque chose de très, très fort. Il polarise, parce qu'évidemment, ses idées sont aussi... Il y a du nationalisme là-dedans aussi, ce qui fait que le Parti québécois va retrouver certaines racines duplessistes à un moment donné. Au fond, c'est peut-être ça aussi. Hein? Longévité, et deuxièmement, le fait, et ça, c'est une hypothèse de Denis Arcand que je trouve assez séduisante, Duplessis couvre beaucoup de territoires. Ouais. évidemment pas l'extrême droite, pas l'extrême gauche et pas vraiment à gauche non plus, un merveilleux centre, mais capable de, justement, de ratisser assez large pour aller chercher beaucoup d'appui. C'est pour ça que Duplessis va vraiment, je pense, polariser et devenir un politicien extrêmement important, même après sa mort. Oui, important parce qu'il a été là longtemps, parce qu'il rejoint beaucoup de monde, mine de rien. Polarisant parce qu'il incarne peut-être, je pense, il est très proche de l'Église catholique. Il y a tout un Québec qui, à un moment donné, a décidé, mais très franchement, de tourner le dos à l'Église catholique. Est-ce que c'est aussi ça, cette polarisation? Duplessis qui incarne le Québec ancien, celui qu'on ne veut plus voir, oui, ou qu'on ne voulait plus voir. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que Duplessis a retardé certaines choses. Bon, c'est pas le travail d'un seul homme, mais il est clair que beaucoup de changements qui sont annoncés dans les années 1930, qui n'ont pas eu lieu, peut-être justement à cause d'un gouvernement comme celui de Maurice Duplessis, qui a mis une chape de plomb sur beaucoup de choses. Alors, cette espèce d'effet de retard et tout à coup d'accumulation vers 1960, et là, tout à coup, tout explose. Ouais. Je donne juste un exemple. En 1963, la revue Parti pris, évidemment, jeunes gens d'une vingtaine d'années, Pierre Maheu nous dit, vous savez, Duplessis, c'est l'affaire de nos pères. On est en 63. Ouais. Duplessis est mort 4 ans avant. Imaginez-vous l'accélération du temps. Ouais. On le voit bien, donc ça va très, très vite après la mort de Duplessis et je pense que c'est un peu cet effet-là qu'on ressent. Quand est-ce qu'il a la piqûre, cette piqûre de la politique? Ça commence quand pour lui, la politique active? Bien, c'est un milieu... Évidemment, c'est le milieu de Trois-Rivières. C'est un milieu... Trois-Rivières est une toute petite ville à l'époque qui va se développer beaucoup au début du 20e siècle. Les Pâtés-Papiers, on le sait, c'était la capitale des Pâtés-Papiers dans les années 20. Bien, le père de Duplessis, Néré, est lui-même député, député conservateur. À l'époque, on le sait, les conservateurs sont, à la fin du 19e siècle, sont pas mal toujours au pouvoir à Québec. Et à Ottawa aussi, remarqué. Et au fond, son père est député de Saint-Maurice, qui est compté juste à côté de Trois-Rivières. Il va être là très longtemps. Et je pense que c'est le milieu dans lequel baigne Duplessis. C'est un milieu, donc, conservateur, de région, proche des ultramontains aussi, parce que le père de Duplessis, Néré, aurait été conseiller de Mgr Laflèche, qui est peut-être le chef de file de l'ultramontanisme après Ignace Bourget. Donc, c'est le milieu dans lequel il vit. Il est d'abord avocat, mais c'est plus tard un tout petit peu qu'il va se lancer en politique, en 23. Mais c'est ça fait partie de le père a été député, il a été maire de Trois-Rivières, donc tout naturellement, c'est tout naturel. Maurice glisse vers la politique aussi. La victoire de 36, comment il réussit à prendre le pouvoir en 36? Je pense que pour bien le comprendre, il faut d'abord que vous nous disiez, Jonathan Livernois, ce qui se passe à l'élection provincial de 1935. Bien, c'est fascinant parce que, voyez, Duplessis est élu en 27 et devient chef de l'opposition, on pourrait y revenir. En 35, il se rend compte d'une chose. Hein, Lionel Groulx l'a bien dit dans ses mémoires. Au fond, Duplessis a un parti qui ne va pas très bien, le Parti conservateur. Il n'a pas les jeunes avec lui et il n'a pas de programme électoral particulièrement ballant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va s'associer à ce qu'on appelle l'Action libérale nationale, qui ce sont pour l'essentiel des libéraux dissidents. Et qui ont un programme... Progressiste. Mettons. En tout cas, toutes sortes de mesures qui bougent un peu. Qui veulent justement sortir le Québec des affres du capitalisme sans virer vers le communisme. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces gens-là ont un programme fort. Et d'ailleurs, l'extrait qu'on entendait tantôt du catéchisme des électeurs, en fait, le texte date de 35. Oui. Et c'est même ce catéchisme qui a été distribué à l'époque en 35, où là, on voit vraiment le programme de l'Action libérale nationale. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, Duplessis dit, écoutez, on va faire une entente ponctuelle, une union. Oui. Une entente qui va être à la fois... on est pendant la campagne, là. Tout à coup, on se dit, on s'unit. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura, s'il y a justement... victoire de l'Union nationale, Duplessis devient premier ministre, mais le chef de l'Action libérale nationale, Paul Gouin, va choisir les ministres. Et on choisit aussi, c'est une entente secrète, on choisit le nombre de personnes dans chaque comté, c'est-à-dire que, pas dans chaque comté, pardon, mais on sait qu'il y aura tant de candidats conservateurs au Québec et tant de candidats de l'Action libérale nationale pour que personne ne se pile sur les pieds. Donc, il y a les comtés où les conservateurs sont forts, Paul Gouin présente personne dans ce comté-là, et inversement. Exactement. Ouais. Même si les gens se déguisent selon le parti, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se déguiser en membres de l'Action libérale nationale, tandis qu'ils sont les conservateurs, mais savent que ce comté-là est prenable. Ouais. Et ça va presque marcher. Ça va être une victoire, un succès politique, même s'ils ne réussissent pas Gouin et Duplessis à prendre le pouvoir, ils réussissent presque quand même à renverser les libéraux de Taschereau. Taschereau est là depuis une éternité. Oui. C'est une grosse machine électorale, celle des libéraux à ce moment-là. Comment ça va se passer après l'élection de 35? Les libéraux ont une courte majorité. Comment ça va se passer, la cohabitation entre Maurice Duplessis et Paul Gouin? Je propose d'écouter Paul Gouin, qui revient justement sur cet épisode bien des années plus tard, à l'émission Les couches tard en 1969. Et je dois dire aussi également, pour dégager ma conscience, que c'était un peu malgré moi que j'ai porté M. Duplessis au pouvoir. Ce qui est arrivé, c'est qu'à l'approche des élections du 25 novembre 1935, nos candidats respectifs nous ont fait peur que dans une lutte à trois, le régime des candidats, M. Taschereau, avait une chance de passer. Alors, ils nous ont imposé une entente. Il est entendu par les documents que nous avons signés à l'époque, des documents secrets, que M. Duplessis serait premier ministre au cas d'une victoire et que je nommerais la majorité des ministres. Et votre poste à vous, ça aurait été quoi à ce moment-là, alors? Bien, avec... j'avais contrôlé les ministres. Ouais. J'étais quasiment l'égal de M. Duplessis. L'éminence grise. L'éminence grise, s'il vous plaît. Comment se fait-il que M. Duplessis, à un moment donné, lui, fait cavalier seul? Bien, voici, comme je disais tantôt, il tenait nullement à partager le pouvoir avec moi. Non. Alors, il a profité de la popularité que lui avait valu l'enquête des comptes publics pour refuser, à l'approche des élections de juin 1936, de renouveler l'entente de 1935. Et mes lieutenants immédiats, qui auraient pu imposer à Duplessis le respect de cette entente, ont refusé de le faire parce qu'ils considéraient M. Duplessis comme un second Mercier. Mais M. Paul Gouin, j'étais devenu, si vous permettez, un traître à la Côte nationale. Donc, cette période de quelques mois entre l'élection de 1935 et l'élection anticipée de 1936, ça va être crucial pour Duplessis, oui. Jonathan Livernois. C'est vraiment durant ces quelques mois qu'il va réussir à complètement écarter Paul Gouin. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, c'est-à-dire qu'il gagne la confiance de beaucoup de députés de l'Action libérale nationale. Il gagne la confiance de gens qui sont des réformateurs ou en tout cas qui souhaitent l'être. Je pense notamment au docteur Philippe Hamel qui disons, un précurseur de la nationalisation d'électricité, hein, qui espère en arriver à ça. Et Duplessis va lui signer un document en disant « Oui, si jamais nous prenons le pouvoir, nous allons le faire, hein, par étapes, mais nous allons le faire. » Alors, il y a des gens comme ça qui se sentent à l'aise, disent « Bien, finalement, Duplessis est un homme extrêmement solide. » Et puis, il y a toute l'image aussi qui colle à Gouin, c'est-à-dire c'est un esthète, c'est un intellectuel. Un peu loin du monde, vraiment. Oui, alors que Duplessis est plutôt sympathique, fait des blagues. Même si on a le temps, on pourra en parler, mais Duplessis change un peu sa manière de faire. On l'appelait autrefois le prince de l'amabilité. Hein, il est devenu une espèce de chat coutière parlementaire par la suite. Mais à une certaine époque, Duplessis, donc, est quand même plutôt sympathique, fait des blagues. Alors, il devient le chef. Ouais. Et là, dans l'extrait, vous le notez, il dit un second merci. Bien, merci, c'est celui qui s'élève au-dessus des partis. Alors, Duplessis représente ça pour plusieurs. Et puis, Paul Gouin l'évoque aussi dans cet extrait-là. Il va faire une brillante performance au compte public, Duplessis. Ouais. Et le comité des comptes publics, il est convoqué, donc, à la suite de l'élection de 1935, et ça va être à la demande de Duplessis. Et ça va être très, très important dans ce qui va conduire à la défaite des libéraux. Pourquoi? Qu'est-ce qui va tant se passer au cours de ce comité des comptes publics? Bien, le comité des comptes publics est rarement appelé parce qu'on n'a pas assez de députés de l'opposition. Mais là, pour l'élection de 1935, c'est 41-48. Il y a assez de députés pour faire le travail en chambre et pour faire le travail en commission. Dans ce comité des comptes publics, qui va éplucher les dépenses, notamment du ministère, on appelle ça à l'époque le département de la colonisation. Et là, Duplessis va, de manière assez magistrale, montrer toutes les turpitudes du régime libéral, corrompu, montrer comment... Usé par 39 ans de pouvoir. Comment des gens se sont enrichis, et ça... au détriment des colons. Et ça, c'est problématique en 1935-36. Et en fait, il y aura une affaire dans ce comité des comptes publics où brille Duplessis, une affaire qui va devenir un petit peu symbolique, qui va un petit peu incarner toute cette corruption, toute cette usure des libéraux. C'est la fameuse affaire des culottes à Vautrin. Je vous propose d'écouter un extrait, on ne va pas s'en priver, c'est trop succulent, de la série Duplessis de Denis Arcand et Marc Blanford, diffusée en 1978. Duplessis qui est incarné par Jean Lapointe. Le 30 octobre 1935, vous avez pris dans votre département la somme de 1 000 $ et curieusement, la même journée, vous avez déposé 1 000 $ dans votre compte personnel à la banque. On va avoir besoin d'argent. Vous avez pas de salaire de ministre? C'est pas toujours assez, ça, c'est pas comme vous. Moi, j'ai une femme puis deux enfants à faire vivre. La plus belle preuve que je suis honnête, c'est que j'ai remis mes britches au gouvernement. Vos Ben, pour visiter des places de colonisation, je m'étais fait tailler des britcheuses, des culottes, comme des bûcherons en porte. J'aurais bien pu les garder pour moi. Non. Je les ai remis au département, vous pourrez vérifier. Ouais, M. Vaudrey, ça me touche profondément de savoir que vous avez remis vos culottes au gouvernement. C'est juste pour montrer que j'ai pas essayé de me remplir les poches. Mais il s'agit pas de savoir jusqu'à quel point vous avez rempli vos poches, mais jusqu'à quel point vous avez vidé celle de la province de Québec. Alors, ça nous en dit un petit bout déjà sur la performance que va livrer. Bien évidemment, c'est une dramatique, mais il se passe vraiment quelque chose au Comité des comptes publics à ce moment-là, en 1935. Pourquoi cette affaire-là, par exemple? Et que là, ben, c'est très révélateur. Si importante. Ben, c'est-à-dire qu'on a... C'est sûr que la série Duplessis, d'ailleurs, vous avez peut-être reconnu Jean-Pierre Masson qui interprète Irénée Vautrin, Séraphin. C'est sûr que les petits symboles, hein, les balles de golf, des choses comme ça qu'on peut retrouver dans certaines commissions, là. Alors, je pense à la commission Gomery notamment, ça, c'est comme si c'est... L'argent, ça devient un peu difficile à saisir, mais tout à coup, cet objet-là, tu dis, mon Dieu, il y a 25 % de chômage à Montréal, les gens crèvent de faim, les colons sont installés à cause du plan Gordon dans des marais parce qu'on a mal cadastré les... C'est la misère noire. Ouais. Et là, de dire que ce type-là arrive avec ses culottes, et je vous remets mes culottes, alors qu'on sait qu'il a lui-même acheté ses bâtons de golf avec, aux frais de son ministère. Vautrin devient une incarnation de ce régime-là. L'exagération. Même si dans les faits, juste pour dire rapidement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe au compte public, c'est-à-dire que c'est pas Duplessis qui pose la question à Vautrin, mais Duplessis qui pose la question à un sous-ministre. Mais le résultat est le même, c'est-à-dire que les breeches deviennent une sorte de symbole. Ouais. Et ça va être comme ça, ce qui fait que Duplessis, donc, va vraiment devenir très, très populaire à ce moment-là. Cela dit, c'est pas les culottes à Vautrin qui, finalement, auront raison du gouvernement Tachereau. Qu'est-ce qui, au final, va être le coup fatal, Jonathan Livernois? Le coup fatal, c'est vraisemblablement le témoignage du frère du premier ministre Louis-Alexandre Tachereau, Antoine, qui est son frère aîné, qui est comptable de l'Assemblée nationale. Duplessis se rend compte que Tachereau dépose des sommes assez importantes dans des caisses, dans des banques à Donnacona ou à Saint-Pacôme, donc assez loin de Québec. On ne comprend pas trop pourquoi. Finit par expliquer que ben, finalement, c'est pour encourager mon fils qui est gérant de banque. Je veux l'encourager. Duplessis lui demande, est-ce que vous retirez des intérêts de ces sommes? Il dit non, non, c'est des sommes que le gouvernement me donne, que je dépose. Et là, ça reste comme ça. On peut vouloir aider son fils. Bon, ça peut passer. Quelques jours plus tard, sorti de nulle part, Antoine Tachereau veut témoigner de nouveau. Duplessis comprend pas trop, sinon qu'il y a des banquiers qui s'en viennent témoigner. Alors, on voit bien que la soupe est chaude. Et Antoine Tachereau va dire tout à coup, ben là, finalement, je retirais des sommes là-dessus, j'avais des intérêts, puis finalement, mon salaire était payé. Et là, il s'enfarge dans une série. D'ailleurs, on peut relire les débats, ça a été retranscrit. C'est tellement amusant parce que là, il s'enfarge. Et là, on n'a pas le choix. Tachereau comprend que c'est fini et Tachereau va démissionner le lendemain. Ou à peu près. Parce qu'il est directement, et on est très, très proche de lui, là, c'est son frère. Là, on voit que, et c'est rare là, de faire tomber un gouvernement qui est majoritaire, on s'entend, là, qui démissionne. Et là, c'est Adélard Godbout qui prend le relais. Oui, et donc, élection anticipée, campagne électorale, qui va conduire Maurice Duplessis à l'Union nationale, qui a tassé Paul Gouin, on l'a dit. Donc, il prend le pouvoir, seul, entre guillemets, à l'élection du 17 août 1936. Ouais. Mais les débuts vont... Ben, c'est pas un mandat qui va être particulièrement, de toute façon, qui va passer à l'histoire, mais des débuts très, très difficiles. C'est très difficile. Mais plein de raisons. Bon, la crise économique n'est pas terminée, ça, c'est sûr. Duplessis laisse une grande place à l'Église catholique. Ça peut aller remarquer parce que les libéraux avaient fait certains gestes analogues. Mais c'est la loi du cadenas aussi, c'est la peur du communisme. Hein. On sait que la loi du cadenas est une mesure en 1937 qui a été assez bien accueillie, remarquée au Québec. Hein. Et ça, en fait, c'est dans ce trois ans de pouvoir, là, c'est probablement un des faits d'armes de ce gouvernement-là. C'est ça. Parce que ça va devenir vraiment emblématique, emblématique du duplessisme. C'est quoi, en gros, cette loi du cadenas? Très, très rapidement, là, je vais y aller un peu rapidement. C'est simplement le fait qu'un lieu où... On devine qu'il y a des activités communistes, ou en tout cas qui peut ressembler à du communisme. On s'entend que ce ne sont pas de grands idéologues à ce moment-là. Ils ne comprennent pas trop ce que c'est le communisme. On peut mettre un cadenas sur le lieu pendant un an. Ouais. C'est ça, la loi du cadenas. Elle va être déclarée inconstitutionnelle seulement en 1957. Alors, elle existe, la loi du cadenas, pendant très longtemps. Alors, vous voyez, c'est un peu ça. C'est cette idée que les communistes sont un peu partout. C'est les années 30. Duplessis, donc, gère comme ça la province. Et là, il y a toute la question aussi de l'alcool. Hein. On sait, il y a beaucoup de ministres qui consomment beaucoup d'alcool. Duplessis lui-même est alcoolique. C'est très, très difficile. Il y a des sommes pharaoniques qui sont dépensées pour le jardin botanique, par exemple. C'est aussi l'époque aussi, il faut faire travailler les gens. Ouais. Il y a quand même ça. Le jardin botanique va être énorme. On donne 600 000 $ je pense, pour le jardin botanique, l'île Sainte-Hélène, le stade à Trois-Rivières, le stade à Québec. Mais c'est là... des gens qui arrivent au pouvoir, ouais. en fait, qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas d'expérience. Tachereau est là depuis... Ouais. Les libéraux sont là depuis 40 ans, pratiquement. Ouais. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu aussi le changement de... Vous l'avez bien dit, c'est Tachereau là depuis 1900, mais les libéraux sont là depuis 39. Il y a un changement aussi de style. On passe d'un gouvernement où ce sont beaucoup les avocats de Québec, de la haute bourgeoisie, des gentlemen qui s'amusent et qui débattent poliment, à un gouvernement d'une petite bourgeoisie, de marchands, de médecins de province. C'est Trois-Rivières aussi. C'est pas Montréal, c'est pas Québec, c'est Trois-Rivières. On peut faire une analogie, on peut en prendre et en laisser, mais avec ce que l'ADQ... Imaginez l'ADQ au pouvoir en 2008. Ouais. C'est un peu ça aussi. Les régions, comment ça fonctionne, ça dégénère un peu. Alors, il y a tout ça, cette espèce de climat que certains considèrent comme disgracieux aussi à cause de l'alcool. Bon, ça change la donne. Donc, pas un très grand mandat qui va être de courte durée parce qu'il va perdre le pouvoir à l'élection de 1939, Maurice Duplessis. Pourquoi? Ça va jouer sur quoi, cette campagne de 39? Bien, c'est-à-dire que Duplessis, c'est l'effort de guerre. La guerre est déclarée. Plusieurs disent « Attends, pourquoi aller en élection tout de suite? Il te reste du temps. » Mais Duplessis veut profiter de la situation. Il voit venir la conscription. Et Duplessis se dit « Bien, c'est maintenant le temps d'y aller. » Mais les gens ne sont pas prêts. Le gros problème, c'est qu'il va tenser les gens d'Ottawa, mais les gens d'Ottawa vont réagir. Et là, arrive Ernest Lapointe, qui est le ministre de la Justice à l'époque, je ne m'abuse, et qui lui va dire, dans une espèce de rhétorique extrêmement brillante, « Si jamais vous votez pour Duplessis, vous aurez la conscription. » Pourquoi? Parce que moi, comme libéral, je suis le dernier rempart. Je suis un Canadien français. Libéral à Ottawa, là. Ottawa. C'est le lieutenant québécois. C'est le lieutenant québécois Mackenzie King. Il dit, je suis à Ottawa, je suis le dernier rempart. Si jamais vous votez pour Duplessis, je comprendrai que vous ne me voulez plus. Je démissionnerai du cabinet. Et il n'y aura plus personne pour empêcher la conscription. Donc, par un habile renversement, voter Duplessis, ça veut dire voter conscription. Ouais. Et Duplessis se fait battre. Là-dessus, en fait, en gros. Notamment. Mais c'est une des raisons. Une mauvaise préparation. Bon, c'est toujours difficile de déterminer les causes exactes, mais c'est sûr que ça, c'est un gros problème pour Duplessis. Dans quel état d'esprit il est, Maurice Duplessis, au moment de cette défaite de 1939, Jonathan Livernois? Est-ce qu'il est même en mesure de s'imaginer qu'il va revenir au pouvoir 5 ans plus tard et qu'il ne le quittera plus jusqu'à sa mort en 1950? Difficile à dire. Certains pensent que c'est une petite pause pour les libéraux qui prendront le pouvoir ensuite jusqu'à la fin des temps. Duplessis lui-même va être chef de l'opposition, mais va rapidement aussi tomber malade, va être très malade. Je pense, c'est un peu difficile à évaluer, mais je pense pas qu'il peut imaginer un règne d'ensuite de 44 à 59. Règne très important, évidemment. Et dont on reparlera en votre compagnie avec plaisir. Jonathan Livernois, professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval, auteur du livre « La Révolution dans l'ordre, une histoire du duplessisme ». Merci beaucoup. Merci, M. Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.